Ndikomanyanga. Albert Ndouaï est à la manette. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Ce mardi, le tribunal de grande instance de Kayanza a requis une peine carcérale de 5 ans contre un homme de 36 ans de la colline Kirema, commune et province Kayanza, accusé d'outrage envers le chef de l'État et son épouse. Certains enfants de moins de 5 ans de la colline Murambi, en commune Buganda de la province Chivitoke, présentent des signes de la malnutrition et cela fait suite au manque criant d'une alimentation variée. Et les natifs d'Omayouyou, nous sommes en commune Mukike dans la province de Bujumbura et les administratifs sur place appellent le gouvernement burundais à exploiter le monde touristique de Heha afin de générer des devises dans le trésor public. Le détail ce sera dans le reportage d'Alain Désiré Bukieneza qui s'est rendu sur les lieux. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page justice. Une peine carcérale de 5 ans et le paiement d'une amende de 50 000 francs burundais. Telle est la peine prononcée ce mardi par le tribunal de grande instance de Kayanza contre un homme de 36 ans habitant la colline Kirema en commune et province Kayanza. Dans le procès de flagrance de ce mardi, il a été accusé d'outrage envers le chef de l'État et son épouse dans les propos qu'il a tenus le samedi passé. L'accusé a plaidé non coupable. Les détails avec Patrick Sengiv. Dans le procès de flagrance de ce mardi, l'accusé était un homme de 36 ans, originaire de la colline Masango en province Chibitoke, agent bancaire à la BGF, agence Kayanza, et qui habitait jusque-là la colline Kirema en commune et province Kayanza. L'officier du ministère public à Kayanza l'a accusé de salir le nom du numéro 1 burundais et celui de la première dame du Burundi dans les propos qu'il a tenus ce samedi dans le sauna de l'hôtel Moussoumba quand il faisait des commentaires avec les autres qui étaient là sur les inflation qui prévaut dans le pays. L'officier du ministère public à Kayanza a indiqué que le prévenu a, dans ses propos, dit que le président de la République n'est pas intéressé par la situation dans laquelle se trouvaient les Burundais et surtout la chèreté de la vie et qu'il est caractérisé aussi par le favoritisme et le népotisme en accordant des marchés publics à ses enfants. L'officier du ministère public à Kayanza a également accusé le prévenu dans l'audience publique de son mardi qu'il a dit que la première dame du Burundi a embauché des médecins et des infirmiers qui ne sont pas performants dans le domaine de la santé à l'hôpital Siza Kibimba en commune Guiheta et qui m'aimait beaucoup parmi ses prestataires de soins sont des membres de sa famille. L'accusé a plaidé non coupable expliquant qu'il a fait des commentaires sur la situation de l'inflation qui prévaut actuellement au Burundi et a balayé des revers des mains les accusations de l'officier du ministère public selon lesquelles il a taché le nom du président de la République et celui de la première dame du Burundi. Clôturant ses réquisitoire, l'officier du ministère public à Kayanza a demandé au tribunal de grande instance de Kayanza de sanctionner le prévenu par une peine d'emprisonnement de prison ferme de 5 ans et le paiement d'une amende de 50 000 francs après avoir l'accusé d'outrage envers le chef de l'État et son épouse. Après la mise en délibéré du procès, le tribunal de grande instance de Kayanza a jugé fondées les accusations de l'officier du ministère public à Kayanza et a sanctionné l'accusé conformément à la demande faite par cette autorité judiciaire à Kayanza contre le prévenu. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Restons en province Kayanza où plus de 50 cas de violence basées sur le genre faites aux hommes ont été enregistrés dans cette province du nord du pays depuis le début de l'année en cours. Propos de Boniface Ndouimana, président de l'association Hommes en détresse qui milite pour la défense des droits de l'homme en cette province. La journée internationale est dédiée à l'homme qui n'est pas célébrée au Burundi et les hommes qui ne déclaraient pas les violences conjugales dont ils sont victimes dans les ménages sont certaines des causes de l'augmentation des cas de violences faites aux hommes, d'après le président de l'association Hommes en détresse. L'immixtion des pouvoirs publics dans le secteur du commerce est l'une des causes de l'inflation qui s'observe actuellement sur les denrées alimentaires. Cela a été dit et déploré ce mardi par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques lors d'une conférence de presse qu'il a animée pour trouver solution à ce problème de flambée des prix. Gabriel Roussiri demande au gouvernement de contracter une dette et de mettre beaucoup d'efforts dans la production des cultures industrielles. Suivez-le, traduit en français par Jean-Marie Vianney Nguinakouman. Muri leta bokora ibishoboka byose bagasaba ideni y'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari nibarondere. Le gouvernement burundais devrait contracter une dette d'un montant de 500 millions de dollars américains auprès d'une institution financière internationale pour stabiliser le marché de change. Il faut mettre en application les mesures de fixation des prix pour certains produits prises par le gouvernement afin de freiner la montée du taux d'inflation. Il faut également attribuer dans la transparence des marchés d'importation et de transport aux sociétés pétrolières qui disposent d'une expérience avérée en matière de la crédibilité pour avoir un crédit fournisseur qui donne un prix moins disant et remplissant d'autres critères objectifs. Le gouvernement devrait fournir plus d'efforts pour réduire le déséquilibre de la balance commerciale pour ajuster son équilibre intérieur mesuré par le déficit public et l'inflation. Il faut également investir davantage dans l'écriture industrielle génératrice de devises, essentiellement l'exportation du café, du thé, du coton, d'avocat et le développement des secteurs des minéraux, du tourisme, de la diaspora, de l'investissement direct étranger et de la coopération internationale. Il faut aussi interdire formellement les mandataires publics qui font le commerce à ne plus le faire car ils useraient le pouvoir pour pratiquer la spéculation et recourir au monopole. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité continue sur Isanganiro. Certains consommateurs du carburant estiment que le problème de connexion, le non-respect de l'horaire et le favoritisme sont quelques-uns des défis qui s'observent dans la distribution du carburant avec l'application Igitoro Pass. Des transporteurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce mardi, Améry de Bujumbura affirme que ces défis font que les files d'attente restent interminables sur les stations-service. Il demande à la Sopebu de résoudre ce problème, n'est-ce pas, Sheila Irambona? Comme l'affirment ces transporteurs, depuis la mise en place de cette application Igitoro Pass, il s'observe pas mal de défis dans la distribution du carburant, comme le problème de connexion, le favoritisme qui persiste toujours sur les files d'attente devant les stations-service, ainsi que le non-respect des horaires fixés par la Sopebu. Selon eux, ces défis font qu'il s'observe toujours des longues files d'attente sur les stations-service. Tu peux trouver un endroit où il y a du carburant à l'intérieur du pays et tu te retrouves sans connexion. Et du coup, tu rentres bredouille. Il y a beaucoup d'injustices sur les files d'attente. Je peux être sur la file et ne pas être servi. Mais un autre peut arriver et être servi sur le champ. Ma voiture a une plaque numérotée entre 01 et 2. Mais je n'ai pas été servi car il y a des voitures qui l'ont été, mais qui n'étaient pas censées être servies le lundi et le mardi. Il demande à la Sopebu de trouver une solution à ces problèmes afin qu'il n'y ait plus de défis dans la distribution du carburant. Je peux ne pas être servi même aujourd'hui. Mais ce que je demande vraiment, c'est que l'ordre sur les files d'attente soit respecté. Que s'ils veulent privilégier une voiture, qu'ils le fassent, mais sans exagérer. Nous demandons qu'ils nous facilitent la tâche, qu'ils respectent l'horaire fixé par la Sopebu. Que les voitures du lundi et mardi soient servies les mêmes jours. Qu'on le fasse comme ça a été prévu par plaque. Cela faciliterait les choses et les files d'attente seront écourtées. Au micro, certains transporteurs ont déploré également que ces défis qui persistent dans la distribution du carburant les poussent de plus en plus à s'approvisionner au marché noir. Sheila Irambona, la modernisation des infrastructures, investissement dans les ressources humaines et programmes des formations régulières pour le personnel technique sont quelques recommandations issues du rapport d'audit technique et institutionnel du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN en matière de certification présentée ce mardi. Le consultant Raymond Tegouze est a montré que les activités à réaliser à moyen terme, il s'agisse d'améliorer le cadre de certification des produits et favoriser la collaboration avec les organisations internationales pour une meilleure reconnaissance. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce rapport avait pour but d'établir un état des lieux exhaustif du BBN en matière de certification, clarifiant les réformes ou projets en cours financés par le gouvernement du Burundi et les autres partenaires afin d'évaluer les besoins d'appui que le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIIGL, pourra financer pour accompagner le BBN. Certains participants ont montré qu'il y a de manquements dans ce rapport pour connaître les vrais problèmes de BBN. On a parlé d'organisation au niveau institutionnel. Moi, je propose d'aller plus loin. Et ça passe par rapport aux expériences que nous avons vues dans les autres pays. Et aller plus loin, je propose qu'à moyen terme, disons dans un terme, aller plus loin et mettre, proposer au ministère donc, une autonomie de gestion. Quelque part, j'ai vu que le consultant a mis dans les recommandations à moyen terme la collaboration avec les organisations internationales pour la reconnaissance mutuelle. Vous l'avez mis à moyen terme. Moi, je vous proposerais de le mettre à court terme. C'est beaucoup plus les bailleurs qui vont vers le BBN, le BBN là vers eux. Donc, il faudrait qu'il y ait un cadre, laisser les coups de franche au BBN, proposer-le et que ce soit une stratégie interne au BBN. Le consultant Raymond Tegouzé a précisé que BBN doit multiplier les efforts en matière de certification et les processus d'accréditation de ses laboratoires et la certification de ses services. La première chose que j'ai dit qui est très très importante, c'est vraiment la gestion des compétences. Parce qu'un certificateur qui n'est pas accrédité, son certificat ne sera pas accepté. C'est-à-dire chaque division doit définir les besoins en compétences et mettre en corrélation avec les compétences internes et de faire des formations ou acheter les compétences. C'est très important les compétences dans le domaine de certification parce qu'une accréditation, c'est l'individu, c'est un auditeur. Il doit être accrédité sur des scopes. Et ces scopes, dans son périmètre, s'il ne les a pas, s'il certifie, ça ne sera pas accepté. Après les échanges, les participants n'ont pas validé le rapport et ont recommandé aux consultants à refaire le travail. Merci à Jean-Marie Mayonga. Certains enfants de moins de 5 ans de la colline Murambi, dans la commune Buganda, en province de Cibitoke, présentent des signes de malnutrition suite à une alimentation qui n'est pas variée, comme la pâte de manioc et l'accompagnement insuffisant. Cela est affirmé par les parents, disant qu'avec les conseils prodigués par les agents de santé, ils vont cette fois-ci essayer de nourrir leurs enfants malgré la pauvreté. L'assistante sociale au sein de SOS Village d'enfants Cibitoke indique que certains parents croient que leurs enfants ont été plutôt empoisonnés. Le médecin provincial appelle les parents de bien nourrir leurs enfants tel que recommandé par les agents communautaires de santé, n'est-ce pas Ornella Mucho? Arrivé sur la colline Murambi de la commune Buganda dans la province Cibitoke, l'on constate des enfants de moins de 5 ans, visiblement qui ont une bonne santé. Mais il y a une autre catégorie d'enfants de cette même tranche d'âge présentant quelques signes de malnutrition, comme des cheveux qui ont changé de couleur. La mère de ces enfants souffrant de la malnutrition affirme que ces enfants ont fait une rechute puisqu'ils avaient bénéficié des services de nutrition et dit qu'ils étaient habitués à préparer des haricots ou de la pâte de manioc pour leurs enfants de moins de 5 ans, mais qu'elle est désormais consciente que l'enfant a des besoins nutritionnels spécifiques. Avant, je lui donnais du haricot sans rien d'autre et l'enfant préférait manger comme ça tous les jours. Maintenant, je vais désormais mélanger avec des légumes à la farine d'arachide. Je vais aussi commencer à lui donner de la bouillie pour voir s'il peut avoir une bonne santé. L'assistante sociale au sein de SOS Village d'enfants de Cibitoke, chargée du renforcement de la famille, Joséphine Wigali, indique que le manque d'informations sur l'alimentation adéquate pour les enfants est le principal facteur de malnutrition dans cette localité. Je dirais que c'est surtout le manque d'informations. Lorsqu'un enfant présente des signes de malnutrition, les gens pensent directement que c'est à cause de l'empoisonnement. Au sein de SOS, Il s'agit de sensibiliser la communauté sur les bonnes pratiques alimentaires et aussi orienter les familles vers le centre d'appui nutritionnel. Il faut que la sensibilisation soit renforcée au sein de la communauté et sur la nutrition, sur la santé sexuelle et reproductive, sur la mobilisation des ressources, tout ça. Parce que s'il y avait des moyens, les gens pourraient faire vivre même 10 enfants. Mais si rien n'est fait, ce sera toujours la famine. Ce sera aussi la malnutrition ici. Le chef de cabinet du gouverneur Saïdi Anissé indique que ces cas de malnutrition s'observent beaucoup plus dans les familles qui ont vendu leurs terres dans les milieux ruraux pour venir s'installer au chef-lieu des communes. Nous sommes rendus compte qu'une des causes de cette malnutrition, c'est le déplacement de la population qui quitte les collines pour aller s'installer ici dans la plaine. Mais aussi des populations qui viennent des autres provinces. Un ménage de 8 enfants s'installe sans autre moyen pour vivre et qu'ils ne vivent que par une ration journalière provenant des champs, les champs d'autrui. Une autre cause, notre population a une mauvaise habitude de vendre toute la récolte. Dans 2 mois, même si vous avez une grande production de la récolte, dans 2 mois, vous trouverez que toute la récolte est déjà sur le marché. Le médecin provincial à Chibitoke, Habiyaremi Jean-Claude, indique qu'une alimentation déséquilibrée en qualité et en quantité a un impact direct sur le développement de l'enfant, d'où plus de 50% d'enfants d'une année à 10 ans en 2024 souffrent de la malnutrition dans la province de Chibitoke. Les agents de santé communautaire, ils font des visites à domicile pour voir si les enfants ont des signes, s'ils constatent des enfants. Ils sensibilisent les parents de ces enfants pour qu'ils puissent présenter les centres de santé ou les FARN qui sont dans la communauté. Mais le problème qu'on a, il y a le problème de ne pas avoir des denrées alimentaires qu'on puisse préparer pour ces enfants. On est en train de sensibiliser l'administration pour qu'ils puissent s'impliquer dans la collecte des aliments qu'on puisse utiliser dans les FARN. Et les enfants sont soignés gratuitement dans les centres de santé, mais aussi dans les hôpitaux de district, mais surtout les enfants qui ont moins de 5 ans, parce que vous savez qu'il y a le projet FBP qui paye pour les enfants de moins de 5 ans, mais pour les enfants qui ont de plus de 5 ans, on fait payer pour les cas de malnutrition. Toutes ces autorités demandent aux partenaires dans le domaine des droits de l'enfant de continuer d'appuyer pour lutter contre la malnutrition infantile en 2023. Grâce au soutien de l'UNICEF, 17 millions d'enfants dans le monde ont été pris en charge pour la malnutrition aiguë et sévère. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Kirundo, à peu près 100 maisons de zone Gisenyi et Gatare en commune Boussonnet ont été détruites par les pluies torrentielles mêlées de vents violents tombés tout au début de ce mois. Les familles qui vivaient dans ces maisons demandent une assistance auprès des bienfaiteurs, surtout que même leurs champs de culture ont également subi le même sort. Le secrétaire permanent de la commune de Boussouni confirme cette triste réalité et précise que le rapport a été déjà déposé aux échelons supérieurs et qu'ils attendent leur réaction. Il demande toutefois aux autres bienfaiteurs de venir en aide à ces familles victimes de cet aléa. Abraham Safari nous en dit plus. Comme le précise Albert Manirambona, secrétaire exécutif permanent de la commune de Boussouni, province de Kirundo, les collines les plus touchées par la forte pluie mêlée du vent violent sont Rwibikara, Gisenyi et Higiro. Dans la zone Gisenyi, où 60 maisons ont été détruites, et la colline Gatete, où 34 maisons ont été également détruites, soit partiellement ou complètement. Cet administratif continue en disant que, à côté de ces maisons détruites, les champs de culture ont subi le même sort. Au Mahou, ces collines ont eu un problème de forte pluie, ajoute Albert Manirambona. D'autres de la zone Gatare, comme Munazi, Kivo et Gatare de la même zone, ont eu un problème d'ensoleillement où les champs de culture de plusieurs hectares ont été endommagés. La population de ces différentes collines, que ce soit ceux à qui leurs maisons ont été détruites ou les champs endommagés par le soleil, tous demandent de l'assistance. Le secrétaire exécutif permanent de la commune de Boussouni demande également aux bienfaiteurs de venir en aide à cette population victime de cet aléa. Il signale toutefois que le rapport est déjà soumis auprès des échelons supérieurs. Depuis la commune de Boussouni, en province de Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Dernier dossier de ce journal, le Burundi est appelé à exploiter le mont Heha comme une opportunité importante dans le tourisme du pays, comme l'a déjà promis le président de la République en ordonnant la construction d'une route déjà en cours vers ce mont le plus élevé du pays. C'est ce qui est ressorti des échanges samedi de la semaine écoulé au cours d'une descente effectuée par certains natifs de la commune Mukike à ce toit du Burundi. Ces natifs et l'administration trouvent que Heha n'est pas protégé et c'est pour cela qu'il a été attaqué par les feux de brousse en septembre dernier. Le détail avec Alain Désiré Boukienesa qui s'est rendu sur les lieux. Ces feux de brousse constituent un des défis majeurs du mont Heha, comme l'exprime un des natifs de la commune Mukike, Victor Mugigiri, qui trouve que les auteurs devraient être sanctionnés sévèrement. Le mont Heha pourrait être un grand pôle attractif sur le plan touristique. La descente avait pour objectif en effet de s'associer à l'administration locale dans la sensibilisation de la population sur la protection de l'environnement en général et la promotion de l'écotourisme Sierra, l'écotourisme étant le tourisme durable et responsable et vert qui se soucie de la protection de l'environnement et le bien-être des populations locales. L'autre défi, et non de moindre, sont les feux de brousse d'origine criminelle qui dévastent les écosystèmes forestiers. L'administrateur communal de Mukike, Frédéric Manirakiza, indique qu'une seule personne a déjà été arrêtée et condamnée pour cette infraction. Ces citoyens de Mukike saluent les travaux en cours pour l'aménagement d'une route vers le mont Heha. Mais il n'y a pas encore de piste aménagée pour guider les touristes sur le mont, regrette Patrice Sabo-Guheba, qui dirige une des associations des natifs de cette commune. Il devrait aussi y avoir des pistes qui orientent les touristes, mais ces pistes, il y en a une qui est tracée, mais qui n'est pas encore arrivée au sommet, une qui est déjà tracée côté de la colline Rurambira, mais qui n'a pas encore fait même 500 mètres. Les Burundais semblent n'avoir pas une culture de vanter, ce qui attire les touristes, et cela constitue un défi de ce secteur, selon les explications d'un environnementaliste et professeur d'université, Erasme Nguille. Il faut en faire suffisamment de publicité. C'est une faveur d'avoir le point plus haut du pays, et que ça se trouve dans votre commune, c'est un avantage que les autres communes n'ont pas. Il faut franchement rendre le site plus attrayant, en essayant de multiplier beaucoup d'activités, de multiplier des activités qui attirent les gens. 1. Y construire une tour de plusieurs mètres de hauteur, munie de lunettes de grossissement. L'administrateur communal de Mukike fait savoir que prochainement, il soumettra un dossier aux instances habilitées en vue de plaider à ce que le mont Heha soit mis dans la catégorie des aires protégées du Burundi. Le mont le plus élevé du Burundi a une altitude estimée à 2670 mètres. Voilà, c'est sur ce reportage d'Alain Désiré Boukienesa que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Nzikobanenga. Bonne suite de programme sur Isanganiro.